Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé. À noter que la prochaine émission, dimanche prochain, sera la dernière émission en direct de l'année 2022. Et à noter également que, tout simplement le week-end prochain, le samedi 17 décembre, vous aurez la troisième édition du Winter Rip, hein, l'édition d'hiver du Ripfest, avec pour rappel présent à l'affiche notamment Suicidal Angels, Verbal Razor et Another Climbs. Toutes les infos sont disponibles sur les réseaux, et puis pour rappel, on a reçu Emile il y a quelques temps, programmateur de Riposte, pour nous présenter un peu l'événement. En ce qui nous concerne pour ce soir, quelques nouveautés. Ce soir, on va bien creuser l'Underground avec les Texans de Stebbing, les autres Ricains de Hammer Misfortune. Du côté français, on aura Lugosi et Ordus. Voilà pour les présentations des quelques nouveautés qu'on va s'écouter ce soir. Émission qu'on va démarrer tout de suite musicalement avec une doublette extrême Destroyer Candlemass. Une doublette extrêmement opposée en fait, surtout. Destroyer, le groupe de Black Trash à l'origine, qui maintenant nous propose plutôt un heavy trash blackisant, sort son nouvel effort studio Never Surrender, toujours sur le label français Season of Mist. A noter que tout récemment, Destroyer 166 s'est relocalisé en Angleterre, ce qui rend du coup leurs prestations et leurs apparitions scéniques européennes beaucoup plus évidentes, hein, parce que d'ailleurs le groupe nous gratifie d'une tournée européenne plutôt chic début d'année prochaine avec pas moins de 5 dates en France. En doublette avec Destroyer, Candlemass, les vétérans suédois du Doom qui nous sortent un Sweet Evil Sun. Pardon. A noter que ce nouvel effort studio, c'est un album qui voit le retour de leur tout premier vocaliste. Hein, près de 40 ans d'existence pour Candlemass. When Death Signed, c'est le titre de Candlemass. Pitch Black Knight, le titre de Destroyer. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission, c'est parti musicalement. sigh of soulless breath. In a sea of argent, a man called death. A ring of reapers gathering round my shrine. Life dust keeper, give me some more. Tell me who you are. Double Etriken, hein, pas mal de formations venues des US pour ce soir. High Command et Escuela Grind. High Command, tout d'abord, c'est du trash crossover américain, actif depuis 6-7 ans. Ils sortent là leur second album studio. Musicalement, dans les grandes lignes, c'est à rapprocher d'un groupe tel que Power Trip ou autre Enforced. Hein, voilà, pour situer un peu le trash death assez hardcoreisant qu'ils peuvent nous proposer. Et cependant, par-dessus tout ça, on va retrouver des éléments punk et enfin punk tirant vers le proto-black, type premiers efforts de Celtic Frost et autres Hellhammer. On a des titres plutôt longs, ce qui n'est pas forcément une constante dans ce style musical. Donc voilà, un trash plus qui va chercher vraiment dans une recette vachement travaillée, sans que ça soit non plus une débauche de technicité barbante. Et ensuite, Escola Grind, on est sur du Grind Death Power Violence qui nous vient donc des US, actif également depuis 2016. Deuxième effort studio, 9 titres qui font entre une 30 et 3 minutes. Là par contre on est sur un truc ultra expéditif, frontal à souhait. Deux femmes qui sont dans le line-up, notamment une vocaliste. Pour rappel, Escuela Grind accompagnera Napalm Death sur leur prochaine tournée européenne. I recommend le titre Omniscient Fly of Infamy, extrait de l'album Eclipse of the Dual Moons. Escuela Grind ensuite le titre The Feed, extrait de l'album Memory Theater. C'est parti. Die, capture. Within these flames, I can see your burden. I have fought alongside your family in the dark siege of Widowstar. Descend from the mountain and follow the raging waters. Within 5 days' ride, you will emerge in the Black Swamp. Listen for the echo of the anvil. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On continue avec encore une doublette. Alors non, pas Riken, pardon, autant pour moi. C'est vrai que Sister of Suffocation, à chaque fois, je les vois comme un groupe Riken, parce qu'ils sont vachement inspirés justement du Death US, mais ils nous viennent de Hollande. D'ailleurs, tiens, on va présenter d'abord Sister of Suffocation, même si c'est pas eux qu'on va écouter immédiatement. Voilà, formation hollandaise qui nous fait du Death au sens très très large, puisqu'ils vont mélanger vraiment du Death assez générique, classique, on va dire, à du Death plutôt brutal, voire même à des éléments mélodesses, et ça va taper aussi bien dans les scènes old school que dans les scènes modernes. Donc voilà, Sister of Suffocation, c'est du death qui ratisse large. Initialement, une formation 100% féminine. On retrouve dorénavant deux hommes au niveau de la section rythmique. Donc 16 titres, interludes comprises pour ce nouvel effort studio de Sister of Suffocation, intitulé Eradication. On va s'écouter le titre Eye in Plain Sight. Juste avant ça, Laser, donc là par contre on est bien sur une formation US. Laser, c'est un groupe de heavy emmené par une femme, Laser Leon, une vétérane des années 80, hein, parce qu'elle est, on peut dire, contemporaine des Ronnie James Dio, Rob Halford et autres Dickinson. D'ailleurs, au niveau de la voix, ça sonne un peu comme les trois que je viens de citer. On est sur un heavy plutôt musclé. Voilà, troisième effort studio, le premier 89, puis 2018, là 2022. On est sur du pur heavy power à la sauce Riken. Le titre Tyrants, extrait de l'album We Are the Chosen. C'est parti, Laser, puis Sister of Suffocation. I was real. Pour la doublette suivante, on va d'abord s'envoyer un petit Irony Destroy de formation kenyane. C'est pas banal, hein, c'est pour ça que c'est super intéressant de le souligner. On est sur un espèce de death metalcore, un peu trash également. Voilà, premier effort studio pour la formation venue du Kenya. On a eu tout un focus autour de ce premier effort studio, hein, parce que c'est un peu fourre-tout musicalement. Cependant, on s'y retrouve. Et puis voilà, encore une fois, une formation qui nous vient du Kenya. Ben, c'est super intéressant d'y prêter de l'attention. Et ensuite, nous aurons les Italiens de Cage, le groupe de hardcore straight edge qui sonne old school, qui nous sort là un premier album studio après un premier EP qui était sorti en 2019. Le groupe est assez récent, on est sur 9 titres d'environ 3 minutes. C'est ultra énervé, c'est ultra puissant et ça reprend vraiment tous les codes du straight edge ricain des années 90. Ça déboîte bien comme il faut, Cage. Encore une des vraiment excellentes sorties de la scène Hardcore Straight Edge fin 2022. Irony Destroy, on écoutera le titre Solar of First Sin, extrait de l'album Rebirth, Cage, How the Man Kill, extrait de l'album A Prison Bullet to Slowly Die. C'est parti. Above all, in the assembly. Pour l'émission Hellbanger de ce soir, Daeva. On est sur du black trash ricain, actif depuis à peu près 5 ans, qui a sorti un EP dès 2017, et qui là vient de sortir son premier album longue durée. On est sur un trash black à l'ancienne, efficace comme il faut, influencé par des formations telles Absou, Aura Noir et autres Disaster. Il n'y a absolument rien de neuf dans le style, mais c'est putain de bien exécuté, et c'est surtout joué avec conviction. L'équilibre est plutôt parfait. Et dans le line-up, on retrouve trois membres de Crypt Sermon. Rappelez-vous de ce groupe de Epic Doom qui a fait parler de lui ces dernières années, dont on a diffusé les albums. Et dans Devi, ils occupent tout simplement les mêmes postes que dans Crypt Sermon, à savoir guitariste, bassiste et batteur. Voilà, les présentations sont faites. Et en doublette avec Daeva, on va s'écouter Rising Steel, c'est ce qui va nous permettre tout de suite d'attaquer donc l'aspect hexagonal. Rising Steel, ça nous vient de Grenoble, on est sur du heavy dans la plus pure tradition des années 80, avec de grosses influences Judas Priest et même Metallica, donc un heavy assez frontal. Un chanteur expérimenté et vraiment convaincant sur ses parties vocales, un peu cliché, juste comme il faut, et globalement c'est quelque chose de super solide ce que nous propose Rising Steel. Daeva, on s'écoutera le morceau Polluting the Sanctuary, extrait de l'album Through Cheer, Will and Black Magic, une sortie 20 Backspin. Rising Steel ensuite, on s'écoutera le Skull Crusher, extrait de l'album Beyond the Gates of Hell, et c'est une sortie Frontiers Record. Never lose. La suite, c'est la toute dernière signature du label nantais Les Acteurs de l'Ombre. Il s'agit de Houle, formation francilienne qui nous fait du black plus plus. Hein. C'est une femme qui mène le projet. Et encore, je dis du black plus plus pour Houle. C'est presque même dark doom mélancolique, hein. Bon, si musicalement et au niveau du chant, on retrouve quand même une grosse patte black metal. Il s'agit là d'un tout premier EP sur le thème, vous l'aurez bien compris, océanique. C'est aventureux, c'est furieux, c'est épique. Et ma foi, ça rend plutôt bien ce nouvel effort studio, ce premier effort studio surtout, de Houle. Et en doublette, on parlait des très très bonnes sorties Straight Edge de cette fin d'année avec Cage. Run Deficiency vient s'inscrire tout simplement dans ces excellentes sorties de fin d'année. Ça nous vient de Lyon. Ils nous sortent là Morning the Burning House, une sortie Youth Authority Records. Pareil, ça déboîte ultra façon Cage. All Beat No Bar, qui est encore quelques petites sonorités plutôt madcore, notamment dû à la voix de la chanteuse dans Iron Deficiency. Voilà, les présentations sont faites et Houle, on s'écoutera le morceau Le Continent. C'est parti.